J'ai fait la dernière vidéo que j'ai fait. J'ai moins censuré que d'habitude, car je ne prépare rien. Quand je parle, ça parle. Et puis, c'est par après là, que je vais hésiter. Est-ce que je peux mettre ça en ligne? Comme par exemple, la dernière fois, la dernière vidéo que j'ai fait, je suis allé dire là, fuck le double. Et puis, moi-même, par après, en m'écoutant, j'étais surpris. Je me disais, oh, est-ce que je fais bien? Mais si je demande intérieurement est-ce que je fais bien, ça répond tout le temps oui. C'est comme donc, à un moment donné, on vient qu'on ne se fie pas trop à ça. Quelqu'un là qui m'a répondu que c'est une nuisance là, de s'entretenir avec eux autres, là, eux autres entre guillemets, et je suis d'accord. Et là, c'est là que je me dis que ça va peut-être en désappointer beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui n'aimeront pas ça. Mais là, on est rendu, moi, au niveau là, de ce que je fais sur YouTube, je suis rendu à oser le dire. Oser le dire. Pourquoi? Parce que quand bien même nous nous dépolluons d'un plan, si c'est pour être ensuite manipulé par un autre qui est plus subtil, moi, ça me génère une certaine, pas une colère, mais une certaine opposition. Je vais être en opposition parce que on dirait que l'être humain est un peu traité comme un enfant. Il est en même, je dirais, là, quasiment qu'il est en laisse. Et à un moment donné, au niveau de l'information, qui est de l'information qui nous est due au fond, je ne vois pas là, pourquoi nous aurions à négocier. Je ne vois pas pourquoi nous serions sous curatelle et que nous aurions à nous entretenir avec des tuteurs à ce niveau-là. Parce que rendu à un certain niveau, ceux qui vivent là par si on peut dire un contact là avec ce qu'on appelle le plan mental, vous allez arriver à un moment donné à un point où vous vous rendrez compte qu'il y a encore de la manipulation. Il y a encore de la manipulation et c'est quelque chose que au point là où je suis, moi, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Je sais qu'il a été dit que la colère et la haine envers les forces occultes, si on peut dire, l'occulte, allait faire que l'être humain allait finir par se libérer. Mais il reste que c'est là. Genre, en plus, là, je subis un phénomène, c'est que ce que j'allais dire m'est enlevé. Et ça me met, ça génère chez moi une certaine colère. Peut-être, comme là, si on peut dire, je subis de la censure interne. Il y a des choses là qu'on ne veut pas que ce soit dit. Et puis, je viens que j'ai de la difficulté. Et puis, vous le voyez des fois, je parle là, et je viens que j'ai de la difficulté, ça bloque. Donc, j'ai encore là, des structures internes qui m'empêchent de parler. Et puis, ce que je vois tout d'un coup disparaît et je ne me souviens plus. Mais c'est sûr que je sais que ça va en choquer que j'ai osé dire ça. L'être humain ne peut pas être sous curatelle là, avec des tuteurs. Et moi, c'est quelque chose que, au point où je suis, là, je n'accepte plus ça. Il a été dit aussi là, que par rapport là, au vocable qui était développé là, pour le supramental, et puis bon, c'est que ces choses-là sont censées être capables de se parler par chacun selon ses propres mots. Nous n'avons pas à entrer dans un vocabulaire, un glossaire précis. Ça fait partie, ça, de fixer des choses dans des formes, et tout ce qui est fixe finit par se dégrader. Il faut être des pierres qui roulent, là. Parce que, si on peut dire, la mousse est un dépôt comme de la pollution. Il y a encore aussi, là, une certaine fascination pour Bernard, que quand même je respecte beaucoup, mais il vient des choses après, là, on ne peut pas s'arrêter à Bernard. Et même, je suis persuadé qu'avant sa mort, Bernard lui-même a avoué qu'il s'était fait avoir souvent, qu'il s'était glissé la désinformation dans son instruction, ça j'en suis persuadé là, qu'il a fini par le dire, et puis de toute façon, jusqu'à un certain point, ça se voit. Ça se voit comme d'aller dire, bon, quelqu'un de conscient ne fait pas de cancer, ne développe pas de cancer, et puis quelques, un peu plus d'une décennie plus tard, pouf, un cancer. J'ai vu ça aussi, là, même avec des proches là, qui avaient eux aussi des dialogues internes avec ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, des entités. Mais rendu à un certain point, toutes ces formes-là, comme le double, et puis l'information qui nous est due, nous n'avons pas, nous ne devrions pas avoir à la négocier sous prétexte que nous n'avons pas encore la maturité de. Parce que souvent, même après avoir négocié de l'information qui, par la suite, par vérification, va s'avérer être exacte, vous vous rendrez compte que vous auriez eu la maturité de le voir par vous-même sans avoir à négocier avec des entitésations là, dans le mental. L'être humain est traité comme un enfant, il n'est pas respecté. Et ça, comme je vous dis, ça donne quoi? De se dépolluer d'un plan mémoriel pour être manipulé par un autre par la suite d'une façon plus subtile, comme si l'être humain était sous curatelle, comme si l'être humain avait des tuteurs, et là, ces tuteurs-là qui considèrent que l'être humain n'a pas la maturité d'user de ce qui lui, que ce qui est à lui, de ce qui lui appartient, de ce qui lui est dû, comme s'il n'avait pas la maturité de gérer ça, que ça prenait des gestionnaires dans le chemin entre lui et sa propre source, son propre savoir et sa propre lumière. Moi, là où je suis rendu, je dis non. Je dis non. Et ce n'est pas une question de colère ou de haine envers les forces. J'en suis venu à me rendre compte que une certaine indifférence et même un certain mépris parfois est encore plus efficace. Est encore plus efficace qu'une colère terrible et une haine terrible, et ça nous donne rien là, de nous chicaner avec du vent, avec des. Au fond, à quoi avons-nous à faire? Et puis, bon, jusqu'à un certain point, ça n'est même plus important. Des fois, si là je suis entre la veille et le sommeil, je suis sur le point de m'endormir et tout d'un coup, je tombe dans un état où je reçois de l'information, où on me dit « on a affaire à toi » parce que je coupe ça immédiatement. Je ne tolère plus qu'on... Si des instances ont de l'information à me faire parvenir, elles n'ont rien d'autre à faire que de s'enlever dans le chemin et de laisser ces informations-là parvenir à ma conscience. Je ne vais pas commencer à avoir besoin d'estafette, de commissionnaire. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir en arriver à ça. Je le sais qu'il y en a, là, que c'est déjà comme ça. Je ne suis certainement pas tout seul qui a pris l'habitude de raccrocher au nez de certaines choses. Et puis, au niveau, là, ce qui est l'information que je vais considérer que je vais prendre en considération, c'est ce que je vois en temps réel au niveau d'une observation, que je sais que ça, c'est ça, et que je le vois par moi-même, mais je ne veux rien savoir de... Comme là, prenez, là, Bernard, là, qui disait que les initiés allaient être conduits dans des centres énergétiques par des yétis et puis des dauphins. Quand j'entends des choses comme ça, ça, non. C'est bien dommage parce qu'intérieurement, pour moi, c'est de la désinformation. Les dauphins sont quasiment en train de disparaître là, avec Fukushima et puis tout ce qui se passe dans l'océan, à quel point l'océan est pollué. Et puis, je ne sais pas par quoi ils vont se faire conduire, là, les initiés qui sont, il y en a supposément que les baleines, leur cerveau allait servir d'ordinateur pour engranger de l'information et que les dauphins allaient conduire des initiés dans des centres d'énergie dans les mers et que des initiés sous forme là, subtile allaient être conduits par des dauphins. on tombe là dans des choses que, à mes yeux, là, c'est quasiment, si tu as se posé la question, puis ça m'est arrivé là, de demander si j'ai l'impression que ça n'est pas réel, de me faire répondre qu'en effet, et puis pourquoi est-ce que de la désinformation comme ça se trouve au milieu de l'instruction? Là, on va répondre que c'est pour exercer le discernement. Donc, il y a toujours, vous allez toujours avoir des réponses pour justifier, et puis, au fond, par des intelligences qui ne sont pas respectueuses, ne sont pas respectueuses de l'intelligence humaine et disent n'importe quoi souvent. Et puis, par après, vont même l'avouer. C'est quand même, c'est quand, moi, ça me met. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça m'a mis en colère pendant plusieurs années, que j'ai eu une colère, une rage terrible contre ce qu'on pourrait appeler les instructeurs. Mais maintenant, là, ça devient de l'indifférence et un certain mépris. Quand les dauphins qui seront disparus dans quelques décennies, c'est quoi qui va conduire dans les émicides des méduses? Des méduses radioactives vont conduire de. Donc, c'est peut-être là où, dans le supramental, qu'ils vont se présenter comme quelqu'un d'éveillé. Je n'ai pas cette prétention-là. Je ne me considérerai jamais, quand je parle, là, public, quand je vous parle, que ne prenez pas, ne considérez pas que je me dis éveillé. Parce que bien souvent, l'être humain rêve qu'il se réveille ou se réveille partiellement. Et ça peut être dangereux pour lui comme pour d'autres. C'est pour ça que j'ai insisté à dire que, au fond, peut-être que je suis un crétin, peut-être que je suis malsain, et puis, parce qu'au fond, je n'ai pas, là, je n'ai pas commencé, là, à dire il n'y a pas de maître et à commencer à me prendre pour un maître. Non, je suis quelqu'un, là, de très stupide parfois. Je sais que je suis intelligent, mais je ne suis pas toujours dans mon intelligence. Il m'est arrivé d'agir d'une façon parfaitement stupide, et ça m'arrive encore, et ça arrivera encore. Et dans ce que je peux dire, c'est certain qu'il y a des sottises. Parfois, oui, parce que je le sais au moment, là, en temps réel, je le sais que des fois, je mets le doigt sur quelque chose, que ça, je sais que ça, c'est ça. Mais il m'arrive parfois de dire des sottises, et puis. Des choses qui, au fond, sont ridicules, ne sont pas intelligentes. Ça m'arrive comme ça arrive à tout le monde. Et là, on sait être en garde là, contre toute fascination, même pour que ce soit, je sais pas, là, que ce soit Saprem ou la mère ou Aurobindo ou peu importe, ou même Bernard. Il y a eu là, récemment des témoignages par rapport à de la fascination pour Bernard. Moi, je n'ai pas là, de fascination. J'ai eu une fascination il y a quelques années, mais ce n'est plus le cas. Et puis, toute fascination est malsaine à mes yeux, que ce soit la fascination pour n'importe quoi. Vous pouvez avoir un intérêt qui attire une attention au niveau d'une observation active, mais si ça devient de la fascination, et je sais que vous savez ce que je veux dire par ça, c'est toujours mauvais, là. Toujours. Donc oui, ce que j'ai dit dernièrement, c'est rough un peu, j'hésitais beaucoup, mais j'avais peur. Je l'avoue, là, j'avais peur des réactions. J'appréhendais, puis, mais je l'ai fait quand même, donc je n'avais pas si peur que ça, là, pas peur au point. Vous pouvez avoir de la peur, mais ne pas en tenir compte, ce qui est une autre possibilité, puis ça arrive. Et puis je l'ai dit, j'ai osé dire de fuck le double. Le double, là, si c'est si important que ça, puis tout bon, ben, que cette chose-là soit intégrée par l'ego, qui est là, que ça ne forme qu'un avec l'ego, pas besoin là d'un intermédiaire, là, et en dehors de la conscience égoïque, qui sert de tuteur, et bon, Vous savez, là, quand vous, anciennement, quand on bâtissait une cheminée en pierre de chemin, il y avait une charpente en bois. Souvent, la cheminée était construite avant la maison. On faisait une charpente en bois autour de laquelle on mettait les pierres et le ciment. Et par la suite, on mettait le feu à la charpente. À un moment donné, il faut que la charpente de bois brûle. Parce que le ciment a séché, que la cheminée est capable de se tenir par elle-même. Et sinon, elle ne pourra jamais servir réellement. Il faut passer à un moment donné par une étape que il faut brûler certaines formes. Certaines formes, parce que les structures qui les contiennent sont capables de se tenir. Et je sais qu'il y en a qui sont possiblement rendus là. Je sais là que ce que je dis, c'est souvent. Bon, je le sais qu'il y en a qui comprennent ce que je dis. Puis moi, je ne me mets pas au-dessus de personne. Je ne me mets pas en dessous de personne, en dessous de personne. Ce que je dis, je le dis, c'est tout. Et faites-vous pas d'idée, là, je suis aussi stupide qu'un autre et que n'importe qui. Mais ceux qui sont rendus là à cette étape-là, qui n'ont plus envie d'avoir un contact au sens quasiment d'une négociation, il faut arracher pouce par pouce l'information pour avancer. À un moment donné, on réalise, on sent, on sait que ça ne peut plus là, être comme ça, ça ne peut plus qu'être comme ça, et ça ne peut pas être toujours comme ça non plus. C'est bien beau là, de canaliser des choses là, par rapport à, bon, à un moment donné, Chris, on a une source, puis il va falloir se canaliser nous-mêmes, quelque chose qui a toujours été là, qui est à la source et qui ne vient pas de l'extérieur de nous. Et finalement, tant qu'à être habité par nous-mêmes, s'habiter nous-mêmes, puis que ça se complète, que ça s'amplifie, que ça s'intensifie, avoir plus de présence. Puis, s'il faut pour ça, là, envoyer chier le plan mental. Et puis, s'il faut pour ça, là, fermer la gueule, le raccrocher au nez, puis fermer ça, puis être pendant une période, là, ben, ça va arriver, puis c'est tout. Et puis, ça va se faire, et puis c'est tout. Donc, c'est peut-être un peu brouillon, là, ce que je dis là. Parce que là, on entre dans des propos dont je n'ai pas la parole de ces propos-là. Là, on commence, là. Moi, en tout cas, tranquillement. Et puis, arrêtons de prendre pour du cash ce que Bernard a dit au niveau, là, en comprenant que ça peut être un matériel qui est bon pour le discernement, au sens d'en prendre puis d'en laisser, puis de jamais rien prendre pour du cash. Que ce soit moi qui le dis ou le voisin électricien, ou peu importe, là, peu importe, de ne jamais se fier à autre chose qu'à ce que votre intelligence à vous, tout en comprenant bien qu'elle n'est pas présente totalement encore et que nous sommes intelligents, mais être dans son intelligence, d'être dans son intelligence, c'est subtil, c'est complexe et de ne pas mettre rien sur un piédestal, de ne pas prendre cash à rien, puis de jamais croire rien, surtout pas ces hosties-là, qu'on appelle là, les intelligences du plan mental. S'il faut, là, qu'ils mangent de la marde d'eux autres. Puis là, je le sais que c'est choquant, puis il y en a peut-être qui sont pas rendus là encore, qui sont peut-être dans un enthousiasme, et puis. Soit vous allez stagner à cet état-là, soit à un moment donné, vous allez vous rendre comme celui qui me répond, puis qui me dit que c'est une nuisance. C'est une nuisance. À un moment donné, ça devient une nuisance. Donc, prenons-en, laissons-en, prenons tout, laissons tout. Au fond, c'est encore une fois, l'important, c'est d'être libre là, en tant qu'individualité et de ne jamais. Bon.